On va parler avec Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com. Benoît qui est en feu ce matin. Écoute, il est à 5 jours de son départ pour la Russie. Salut Benoît. Salut Dan, Radio Sport. Benoît, 5 jours avant ton départ pour la Russie. Tu dois, j'imagine, être excité, là? Très excité, mon Danny, très excité. Ça fait 2 semaines que, tu sais, j'ai un nouvel endroit à Alma, Espace Soccer, qui on pensait que ça allait terminer. Il y a quelqu'un qui m'a fait une place dans son resto. On a fait des déjeuners, des dîners. On a écouté des matchs avec plein d'amis qui sont venus me rencontrer. Il y a eu des matchs avec une quarantaine de personnes, d'autres matchs. Un peu déçu parce qu'il y a un autre petit bar à côté avec le club de Boreal Alma. Très déçu avec ce club-là avec qui on a dit que j'étais partenaire. Mais on a décidé de faire un événement dans un lieu à côté qui n'ont absolument rien présenté pendant la Coupe du Monde. Donc, je tiens à le mentionner parce que ça me choque. C'est le bord de Lyon Bleu. Donc, venez à Espace Soccer le soir de la finale. C'est là le monde. C'est là les passionnés de foot. C'est là que ça se passe. OK. Donc, on va y aller maintenant avec l'Allemagne. Comment t'as trouvé l'Allemagne? Écoute, l'Allemagne. Danny, on a fait un pool à l'Espace Soccer. On a au-dessus de 50 personnes qui ont participé. Les Allemands, c'est bien entendu. Cette année, j'avais modifié mon pool un peu. J'avais dit, on va laisser jouer un match à chaque sélection. Puis après ça, vous ferez vos tableaux là dans chacun des groupes. Faites votre classement de 1 à 4. C'est sûr que l'Allemagne a sorti. J'ai pas vérifié ce matin, j'étais en train de faire la correction du premier tableau de la phase préliminaire. Et les Allemands, ben on l'a vu en entrée de jeu. Que la défaite contre les Mexicains, on a vu que la sélection allemande n'était pas ce qu'elle était en 2014. Il faut savoir, Danny, par contre, que le sélectionneur Joachim Löw, est-ce qu'il restera en poste ou est-ce qu'il démissionne? Moi, je pensais, Danny, qu'elle a démissionné après l'Euro 2016 quand la France elles ont battu 2-0. Normalement, ça fonctionne comme ça. Quand tu as gagné une Coupe du Monde et la Coupe d'après, ça ne fonctionne pas. Ben, faut passer à autre chose. Un peu comme Zidane a fait. Zidane est parti en champion avec le Real Madrid. Lui, il a dit, garde, mon message, ça va prendre un autre quelqu'un pour motiver les troupes dans le vestiaire et puis tout ça. Je pense que c'est une belle façon. Regarde un peu l'entraîneur des Capitals de Washington qui est allé un peu dans ce sens-là, un peu au hockey. Donc, je te dirais, on a vu après le match du Mexique que les Allemands, écoute, le sélectionneur a décidé de continuer avec ses anciens guerriers de 2014, alors qu'il y avait une nouvelle cuvée qui s'en venait, de nouveaux jeunes joueurs, et on a décidé de garder surtout des anciens joueurs qui lui a donné la Coupe du Monde. C'est pas évident non plus de faire ces choix-là non plus comme sélectionneur. Alors, ça a donné le résultat qu'on a vu. Une défaite contre la Corée. Quand même une belle victoire de la Corée. Il faut rappeler là que lors de ce match-là, le gardien coréen a fait de superbes arrêts et ça a permis une contre-attaque et les Coréens ont marqué en fin de match. Ils ont même marqué un deuxième but. Donc, ça a éliminé les Allemands. Mais que veux-tu? La Coupe du Monde continue. Et Danny, il est forcé d'admettre que les sélections, il n'y en a plus de facile. Ben non, mais c'est parce que j'écoutais, puis j'en ai parlé avec Jean Gounet, t'écoutes RMC comme moi, l'after-foot, là, l'after-foot, puis on disait qu'à l'after-foot, que les Allemands avaient toujours eu la même sélection, avaient toujours eu depuis longtemps, puis l'entraîneur était comme, le sélectionneur était comme tombé en amour avec les joueurs, puis aurait fallu qu'ils fassent des changements qui se renouvellent, puis ils ne se sont pas renouvelés. C'est à peu près ça, voilà. C'est à peu près ça qu'il disait, le gars de RMC. Ben, c'est la grande surprise des phases de préliminaires, c'est de ne pas voir arriver l'équipe allemande qui, on sait que dans l'histoire, sont toujours présents dans les phases finales. Mais là, regarde, ils vont avoir une réflexion à faire sur leur sélection future. Mais ils seront toujours là. Là, c'est le pays. L'Allemagne sera toujours une grande sélection du football mondial, déjà avec leurs 4 étoiles sur leur maillot. Donc, écoute, mais cette année, ça sera pas la Coupe du Monde de l'Allemagne. OK. L'Espagne, justement, en parlant de sélectionneur, ils ont congédié leur sélectionneur 2 jours avant le début de la Coupe du Monde. Puis là, ça commence à paraître, hein? Ben moi, exactement, tu sais, t'as eu des entrevues avec notre guide espagnol à Madrid, Adrien Lober. Je sais pas si tu lui auras parlé, mais écoute, Adrien, j'ai parlé avec lui cette semaine, et moi, je donnais mon avis. Je disais que enlever le sélectionneur 2-3 jours avant la Coupe du Monde, ça va se rattraper. Et là, je pense qu'on l'a vu dans le dernier match. Les Espagnols font quand même le beau jeu, ils ont une très belle sélection. Mais à un moment donné, je veux dire, pour la chimie, pour le collectif, j'ai hâte de voir le 8e de finale le 1er juillet contre la Russie. J'ai l'impression que ça risque d'être un très beau match. Et j'ai l'impression que les Russes ont quand même été surprenants dans les deux premiers matchs. Peut-être difficile lors de leur dernier match, mais moi, je pense que on pourrait avoir une surprise, là, Russie et Espagne le 1er juillet. J'ai hâte de voir ce résultat-là. Et le pays hôte, tu sais qu'habituellement, le pays hôte souvent se rend dans les huitièmes, dans les quarts de finale. Le pays derrière cette sélection-là. Donc, à voir ce match-là. Moi, c'est un match que j'ai hâte de voir. C'est le fun de voir des équipes, des nouvelles équipes comme le Japon, la Belgique. La Belgique ont bien fait, là. Mais c'est le fun de les voir quand même. Il y a un bon jeu d'ensemble. Voir ces nouvelles formations-là arriver et émerger sur la scène du foot. Là. Ben, Danny, je te l'ai dit tantôt, il n'y en a plus de facile là, au soccer international, au football international. On l'a vu, les Coréens même, il y a eu beaucoup de matchs très serrés. On a vu des 3-0. On a vu le Panama qui peut-être était l'une des sélections les moins relevées de cette Coupe du Monde. Mais quand même, moi je pense que c'est les Américains qui auraient dû y être à cette Coupe du Monde-là. Il y avait le niveau pour, mais ils n'ont pas réussi à passer les matchs de qualification dans la CONCACAF. Moi je pense que dans les 32 sélections qu'on a vues, là, je pense que c'est le Panama qui était la moins forte, je pense. Maintenant, quand tu parles de la Belgique, écoute, c'est une fin de cuvée pour la Belgique. C'est un fin de cycle pour eux. C'est vraiment là. On a fait reposer hier Hazard et Lukaku, les deux attaquants, les deux joueurs offensifs. On les a mis au repos pour le match de huitième de finale. On sait que ils étaient déjà qualifiés avec l'Angleterre. Ça n'a pas été un grand match. Même les Anglais avaient mis Kane sur le côté aussi. Donc, mais c'est là que tu vois que dans le tableau, dans ce cadre-là, c'était quasiment mieux de terminer deuxième que de terminer premier de son groupe, parce que là, on se retrouve que la Belgique risque d'affronter en quart de finale le Brésil. Moi, je souhaite, Danny, Brésil-Mexique, ça doit être un match relevé, mais dans l'histoire, le Brésilien ont toujours battu le Mexique. C'est comme une histoire, ça, qui... je suis curieux de... Je voudrais faire des recherches combien de fois le Mexique a battu le Brésil dans des phases finales de Coupe du Monde. Je suis pas sûr que c'est arrivé bien souvent. Et moi, je vais être à Kazan. C'est le match que je vais voir, le quart de finale, quand je vais arriver, Danny. Je risque de voir un beau Brésil-Belgique. Si les deux équipes passent les huitièmes de finale, je me souhaite fortement de voir ce match-là. OK. Ben Benoît, évidemment, on va se parler, même si tu es en Russie, on va se parler par Skype, évidemment. J'ai bien hâte de voir ça. Hey, le Sénégal était la dernière équipe africaine en lice pour... c'est un petit peu décevant. Il y a quelques années, le Ghana avait bien fait. Mais comment tu as trouvé ça que du côté africain, on réussit même pas à se rendre à la ronde des huitièmes de finale? Au moins une équipe. C'est très dommage de ne pas voir un pays d'Afrique dans les quarts. Tu sais qu'il n'y a jamais eu un pays d'Afrique qui a dépassé les quarts de finale dans l'histoire de la Coupe du Monde. On n'a jamais vu une équipe africaine en demi-finale. Je trouve ça très dommage, mais en même temps, je te dirais, regarde, tu regardes les joueurs de l'équipe de France, tu regardes certaines nations, ils ont des Africains dans leur équipe. Peut-être que l'équipe de France est celle qui en a le plus. C'est quand tu dis que certains joueurs africains, de bons joueurs, de bons éléments, qui se retrouvent en France, peut-être au lieu de rester dans leur nation. Tu sais, il vient le temps, Danny, que le joueur, exemple Balou, là, qui a joué avec l'Impact. Balou n'a pas joué de match international, le Canada veut l'avoir, et lui attend peut-être un appel de la Côte d'Ivoire, parce qu'il a une origine... Il y a une nationalité ivoirienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, Danny. Il y a eu un train qui a passé dans ton coin. Oui, c'est ça. La vitre est ouverte. Hein? C'est ça de la radio en direct. Là. Mais c'est ça, je veux te dire, Danny. Je pense que tu sais, il y a un choix qui se fait. Là. Et l'équipe de la France a beaucoup de joueurs africains, d'origine africaine, où ce que à un moment donné, on va chercher ces joueurs-là. Je ne sais pas de quelle façon que ça se fait, cette affaire-là, de vraiment attirer. Probablement que les joueurs regardent, parce qu'à partir du moment que ces joueurs-là ont joué dans l'équipe nationale première, il n'y a plus moyen d'aller jouer dans l'autre équipe nationale. Donc, c'est pour ça que Balou n'a pas encore dit oui à l'équipe canadienne de football, de soccer, parce qu'il attend probablement de faire de bonnes performances, peut-être avec le FC Barcelone B, et de monter en équipe première, et d'avoir un appel de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est un peu ça qui se passe quand tu dis il n'y a pas d'équipe africaine, mais c'est un résultat de tout ça, cette affaire-là. Oui, effectivement. Benoît, bon voyage. On va avoir l'occasion de se reparler en hors des ondes également. Bon voyage, profite-en bien. Je sais que tu es un tripeux de soccer. T'es un malade de soccer. Fait que bravo. Puis c'est ton deuxième Coupe du Monde. Puis au plaisir de se reparler en direct de la Russie. Oui, Danny, c'est une belle passion que je vais vivre. Là, c'est le top du top, la finale, la demi-finale, deux quarts de finale. Ouais. Mais j'invite les gens qui sont ici à venir à Espace Soccer GDE Alma. Les passionnés de foot, venez jaser, c'est des gens qui sont là depuis 2-3 semaines. On est là depuis Espace Soccer, depuis 2003. Donc, venez nous trouver, même si vous n'êtes pas des férus, des maniaques de soccer, venez jaser, venez voir comment ça marche. On espère remplir le restaurant. Je vais faire un direct en direct là-bas. C'est à Espace Soccer, j'ai des jeux que ça se passe, parce qu'on a mis de l'émotion dans ça, et c'est la passion au foot qui se relève de ça. Benoît, en passant, la nouvelle tarification des câbles distributeurs qui rentrent en fonction dimanche, comment tu trouves ça? Je trouve ça très ordinaire pour les petits commerces, parce que les commerçants comme nous qui forment, on n'est pas des cages au sport où ce que ça fonctionne à l'année. Puis je vais te dire, j'ai hâte de voir, c'est pas juste, je parle de ce qu'on fait là avec est-ce que je vais être capable d'avoir un collaborateur pour le futur? Comment ça va s'arrimer tout ça? Est-ce qu'ils vont vendre des droits pour des événements seulement? Peut-être que ça pourrait être intéressant. Parce que là, ce que j'ai su par la bande, c'est que c'était des coûts de 500$ par mois pour pouvoir présenter les matchs, par exemple. Ben là, c'est la Coupe du Monde, mais quand ça sera le Canadien, quand ce sera d'autres événements sportifs, il va falloir qu'il y ait de quoi qui s'arrange avec ça, parce que c'est quoi l'idée de ça? On fait mourir les petits encore. Penses-tu que des petits pubs, des petits cafés à Montréal, où il y a un écran puis on présente des matchs, penses-tu qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'on va donner des amendes à tous ces gens-là? Pendant la Coupe du Monde, Danny, j'ai vu passer sur le web, sur Facebook, qu'à chaque nation présente à la Coupe du Monde, il y avait un petit endroit à Montréal qui présentait. Bon, les Marocains, c'est à tel endroit, les Tunisiens, c'est à tel endroit. Est-ce que tous ces gens-là vont être affectés par ça? Ça n'a pas de bon sens. Arrêtez-nous. Non, lâchez-nous un peu, Caroline. Oui, effectivement. Pour ne pas dire d'autres choses. Oui, effectivement. Benoît Lavoie, gros merci. Bon, ça parle de bientôt. Yes, salut, Danny. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence soccer au Saint-Jean.